Savoir se recharger, c'est le thème de cet enregistrement qui est produit au mois de mai. Donc, ici, David au micro qui vous salue, peu importe l'endroit où vous m'écoutez. En fait, aujourd'hui, je veux parler de l'importance d'être capable de se recharger d'énergie. Parce que on peut vivre entouré dans une société avec des gens qui cherchent à nous vampiriser nos énergies, nous les voler, nous les dilapider. Que ce soit des personnes sur le plan physique ou que ce soit dans certains cas, il y a certains médias qui cherchent à alimenter la peur, donc ce qui fait descendre le niveau d'énergie et amener les gens à vibrer naturellement des vibrations basses, d'où l'importance d'être capable de se rehausser par soi-même sur le plan vibratoire, en dépit de l'environnement qui peut être très pauvre sur le plan vibratoire dans lequel on peut se trouver. Donc, se recharger d'énergie, à mon avis, c'est fondamental parce que c'est ce qui nous permet d'entretenir notre vitalité. Et pour y arriver, ben, il faut identifier les choses dans notre vie concrètement de tous les jours qui nous permettent de nous recharger, de nous ressourcer, d'avoir de l'énergie qui contribue à notre vitalité. Et pour y arriver, naturellement, il faut être capable de faire des observations honnêtes. Donc, il y a des choses qui peuvent nous permettre de nous recharger, comme par exemple certaines personnes, lorsqu'elles vont faire de la photographie, elles vont perdre la notion du temps et de l'espace. Elles vont être toutes là, parce que ça leur donne quelque chose qui les stimule totalement. Tandis que, par exemple, une autre personne, ben, je vais prendre mon cas, c'est sûr que présentement, je suis privilégié, étant donné que je peux prendre ma fille dans mes bras, et elle est âgée de quelques mois, environ 5 mois, et c'est ça qui me permet présentement de me recharger. Donc, le contact que je peux avoir avec elle régulièrement, et comme étant bas âge, bien, naturellement, elle se laisse prendre. Et c'est très nourricier pour moi, dans le sens que, bon, prendre quelqu'un dans les bras, ça permet de sécréter l'hormone de l'ocytocine, l'hormone qui est associée, dans le fond, à l'attachement, et aussi une hormone qui va permettre de connaître un état de bien-être. Et c'est ce que j'expérimente, là, régulièrement, là, lorsque je prends ma fille dans mes bras. Donc, présentement, ce que je peux dire, c'est que je fais l'observation, parce qu'on peut faire différentes activités pour se ressourcer. Certaines personnes vont faire de la méditation pleine conscience. Il y en a qui vont faire de l'entraînement physique, de la marche. Et parmi les différentes activités, dans mon cas, là, l'activité qui me permet davantage de me ressourcer, c'est de prendre ma jeune fille dans les bras. Et de ressentir son énergie, d'être présent à elle. Donc, et cette observation-là, qui peut paraître simple, peut paraître banale, peut-être à l'écoute là, pour certaines personnes, est quand même fondamentale dans ma vie. Pour moi, ça a plus de valeur que, par exemple, jouer à des jeux vidéo. Les jeux vidéo vont me créer une tension au niveau de mon système nerveux dans certains cas. Un peu comme quand que je passe du temps devant l'ordinateur, ça me garde dans une conscience qui est plus électrique, tandis que qui est électrifiée par rapport à ça, une conscience qui a une certaine tension, tandis que le contact avec ma fille m'amène à un état de détente là, lorsque je la prends dans mes bras. Même chose par rapport à ma compagne. Mais le point que je voulais faire aujourd'hui en lien avec ça, c'est que des fois, on va nous présenter à travers la société, la consommation de masse, certains éléments comme étant des choses qui vont nous remplir, nous combler, que ce soit par exemple aller voir un film au cinéma, alors que si on me pose la question aujourd'hui, entre aller voir un film au cinéma, un concert rock, ou prendre ma fille dans mes bras, c'est quoi qui m'apporte le plus, c'est prendre ma fille dans mes bras à un point tel que j'ai réalisé. Parce que l'année passée, j'ai eu à accompagner, j'avais un animal de compagnie, un chat, qui avait des problèmes d'insuffisance rénale, puis en même temps, ben, il était atteint là, d'un cancer avec une tumeur, donc il a été euthanasié. Et c'est sûr que ce chat-là, je l'appréciais, ça faisait plusieurs années que je vivais avec lui, Et ils m'ont été un fidèle compagnon, dans le sens que pendant la période qu'on a dit de pandémie, ben j'étais seul dans un logement, puis je pouvais le prendre dans mes bras. Ça m'apportait beaucoup pour me recharger sur le plan de l'énergie, son contact. Et c'est sûr que, bon, par rapport à après son décès, je trouvais ça plate, là, l'accompagner dans le décès. J'avais plus le goût de revoir d'animaux de compagnie pendant une certaine période de temps, mais avec le recul, je regarde ça, puis je me dis, pour des raisons de survie énergétique, et le fait que le contact avec un être vivant, que ce soit ma fille ou un chat, me permet de me ressourcer, probablement que si je me ramasserais dans une situation à être seul, dans un logement et qu'il y aurait un confinement par rapport à la menace d'un virus ou peut-être même un confinement climatique, parce qu'on ne sait jamais où peuvent aller les adeptes de la religion verte pour imposer leur idéologie. Donc, certains parlent de la possibilité qu'il y ait des confinements climatiques pour réduire la pollution. En tout cas, on verra bien. Peu importe, mais d'avoir un animal de compagnie à prendre dans mes bras, avec le recul, si j'avais pas d'enfant présentement, il y a des bonnes possibilités que je m'en procurerais un. Pour cet aspect-là, ressourçant. Puis quand j'ai ma fille dans mes bras ou que j'avais le chat dans mes bras, dans mon cas, il était très affectueux. Ça me permettait de me sortir de ruminations anxieuses. Surtout que dans la période de confinement, on était exposé beaucoup à des bulletins de nouvelles ou même à des lanceurs d'alerte qui, dans certains cas, cherchaient à activer la peur en nous. Et c'est sûr, tirer profit de ça pour avoir de l'attention, des codes d'écoute. Parce que c'est sûr que si on parle dans les médias que ça va bien dans le monde, habituellement, c'est pas vendeur. Ce qui va chercher l'attention pour des raisons de programmation liées à la survie de manière ancestrale, c'est tout ce qui est suspect. Un peu comme les êtres humains qui vivaient dans le passé en forêt, ce qui attirait leur attention, c'était tous les bruits suspects qu'ils pouvaient entendre en forêt, parce que ça pouvait représenter une menace potentielle, que ce soit par exemple un ours, un lion. Alors que si le son d'une belle petite chute qui va avoir un caractère hypnotique par la régularité de son son, ben ça vient après. Ça peut amener un état de détente, mais ce qui va sortir la personne d'état de détente, même si elle est en train d'écouter le son de la chute en nature, ben c'est les bruits suspects pour des raisons de mécanismes de survie, de protection, pour faire face à une menace éventuelle. Et c'est un petit peu la même chose qui caractérise l'être humain actuel, sauf qu'on est dans un contexte totalement différent en relation avec le développement technique qui a eu cours au cours des dernières décennies. Et on peut surinterpréter dans le cas certaines menaces à travers l'exposition des médias de masse ou même des médias alternatifs. Et tout ça, ça peut nourrir de l'anxiété, de la peur, et ainsi de suite. Et tout ça pour dire quoi? Ben, c'est que j'en suis venu en conclusion, ce qui est intelligent, c'est d'identifier les choses dans notre vie qui nous permettent de nous recharger et d'agir en conséquence. Bon, moi, si dans mon cas, me recharger, c'est de prendre ma fille dans mes bras, bon, mais agir en conséquence, c'est de la prendre régulièrement dans mes bras, et ça me permet d'être dans un état de bien-être et de vivre un état d'échange d'énergie avec elle. Elle a quelques mois et elle se développe rapidement là, sur le plan physique. Fait que c'est comme si je perçois toute son énergie qui est très dynamique, très vitalisante. Sinon, ce qui m'apporte beaucoup, ben, naturellement, étant donné que la température s'est réchauffée, au moment où je vous parle, bien, on est au mois de mai, ben, c'est de faire des bains de soleil, exposer ma peau au soleil. Donc, ça me donne de l'énergie. Ça me permet de m'enraciner. Le contact, ça me permet que... Bon, au début, quand je me fais bronzer au soleil, des fois, je vais avoir des coups de soleil et ma peau, progressivement, va devenir brune. Mais même à travers les coups de soleil que j'ai, ça me permet d'être présent à ma peau. Si j'ai un petit coup de soleil dans le dos ou sur le ventre, ben là, je suis présent. Donc, ça me ramène à la présence au corps. Sinon, pour m'enraciner, ce qui m'apporte beaucoup, ben, c'est de marcher les pieds dans de l'eau froide, par exemple, dans une baignoire. Pendant quelques minutes, ça va activer la circulation sanguine et ça va générer aussi la sécrétion d'hormones propices à mon bien-être. en quelques instants d'activer les pieds dans de l'eau froide, là, ou je peux même rester en position statique. C'est vraiment le contact avec l'eau froide qui crée ça, puis ça crée un état de bien-être. Donc, il me semble que c'était des endorphines, le nom de l'hormone, là, qui était générée, là, par rapport à ça. Mais bon, tout ça pour dire que dans mes observations, ce qui m'apporte beaucoup, bain de soleil, marcher dans l'eau froide, naturellement prendre des marches à l'extérieur, passer du temps à l'extérieur. Et qu'est-ce qui m'apporte moins? c'est passer du temps devant l'ordinateur. La vibration que dégage l'ordinateur, ça fait des années, puis c'est un constat indéniable, je la trouve laide. Même chose pour celle d'un téléphone cellulaire. J'ai toujours refusé, depuis mon enfance, de passer mes journées avec un téléphone cellulaire là, dans mes poches là, ou à la hauteur de mes testicules. J'aime pas la vibration qui se dégage du téléphone cellulaire. La côté sur ma tête, pour moi, c'est très pénible. J'aime pas ça. Et dans le fond, par rapport au téléphone, c'est sûr, si je me déplace en auto pendant une longue période de temps, je vais être content d'avoir un téléphone cellulaire pour appeler en cas d'urgence. Mais c'est tout. Je n'utilise pas le téléphone cellulaire régulièrement. J'aime pas cette technologie-là en général, en fait. Mais sinon, dans ma vie, j'observe qu'est-ce qui me permet de me ressourcer pour me sentir bien dans ma peau et me sentir comblé. En fait, récemment, j'ai rencontré de nouveau quelqu'un qui fait des soins énergétiques, qui est médium aussi, qui est en contact avec des êtres décédés. Et pourquoi? Ben, une fois de temps en temps, je le rencontre ponctuellement. Pour avoir sa perspective par rapport à mon état énergétique. Pourquoi? Ben, c'est parce que au niveau de la médecine traditionnelle, j'ai un médecin de famille, puis une fois de temps en temps, je vais le rencontrer pour faire ce qu'on appelle un bilan de santé. Bilan de santé, c'est que le médecin, il va palper là, un peu mon corps, regarder s'il y a des choses de suspect, comme par exemple palper le ventre pour voir s'il n'y aurait pas une bosse qui pourrait être le signe de la présence d'une tumeur, et me proposer là, par rapport au bilan de santé, par exemple, de faire une prise de sang pour voir si, par rapport à mon sang, il y a des anomalies ou quoi que ce soit. Donc ça, je l'ai déjà fait à quelques reprises, sauf que le médecin, il va pas capter vibratoirement puis faire une lecture vibratoire des différents organes. Chose que fait le médium qui me fait un bilan de santé, mais énergétique. Donc, il me fera pas faire une prise de sang puis une palpation sommaire sur le plan physique avec ses mains, mais il va plutôt procéder à une palpation psychique de chacun de mes organes. Donc, lui, il va ressentir sur le plan énergétique mes différents organes en utilisant le pendule, puis et il va regarder le taux vibratoire des différents organes en les passant en revue. Par exemple, les poumons, les intestins, le cœur, la rate. Donc, il passe tout en revue. Si il perçoit un nœud énergétique ou une faiblesse, etc., il va me le dire. Dans certains cas, ben, il va me proposer des conseils. Que ce soit de modifier mon alimentation, mon style de vie pour favoriser ça. Bon, par rapport à cette personne médium, je ne vais pas nécessairement dévoiler ses coordonnées là, dans l'enregistrement parce que ce n'est pas demandé de sa part que je fasse ça et non plus en privé. Fait que donc, ça ne sert à rien de m'écrire en privé là, s'il y a des gens qui veulent avoir ses coordonnées, je ne donnerai pas suite là, parce qu'il ne veut pas nécessairement que j'en parle, mais les concours de circonstances ont fait en sorte que je le connais, puis une fois de temps en temps, au fil des ans, je discute avec lui, puis des fois, il m'amène des constatations intéressantes. Dans le sens que ça fait un certain nombre d'années, en fait, depuis l'âge de 30 ans, que je vais bénir ma santé en longévité. Et d'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, j'ai réalisé de nombreuses sessions de bénédiction. Et quand que je l'ai revu récemment, ben, il m'a dit, regarde, t'es en santé. Il a passé en revue mes différents organes cette fois-ci. Parce qu'au fil des années, il y a eu des choses qu'il a fallu que je fasse certains ajustements, comme par exemple pratiquer plus de sport. Ensuite, j'ai encore des micro-ajustements à faire, là, dans le sens qu'il me dit, ben, regarde, ton cerveau gauche, il est un peu plus usé que le cerveau droit, dans le sens que ton activité intellectuelle constante que j'ai tendance à faire, parce que moi, je suis un peu comme un trou insatiable, je vais étudier plein de choses, diminue un peu tes études. C'est un petit peu comme une plaquette de frein où ce que tu freines constamment en ville avec ton auto, puis que ça use plus vite que si tu ferais de la grande route. Donc, le rapport que j'ai à l'activité intellectuelle a intérêt à être diminué parce que entre deux activités intellectuelles que je peux avoir, je n'avais pas tendance à me ressourcer, à me recharger, d'où la pertinence du titre de l'enregistrement aujourd'hui, de se recharger parce que ça crée un peu une fatigue chronique. La fatigue chronique, si je vous en parle en lien avec la dimension physique, prenons par exemple quelqu'un qui travaille en entreprise de production industrielle et fait des mouvements répétitifs avec les mains. Donc, toujours les mêmes mouvements pour assembler deux pièces ensemble. Prenons par exemple un bec verseur en plastique associé à un contenant qui va tout le temps visser. Bon, ben c'est sûr que si en faisant ça à journée longue, les mêmes mouvements répétitifs, la personne a des douleurs au poignet, la personne va faire une tendinite. Parce qu'elle va stresser d'une manière chronique les mêmes muscles en les utilisant d'une manière trop répétitive, puis qu'il n'y a pas de pause entre deux utilisations des muscles pour que le muscle puisse se recharger, se refaire. C'est sûr, c'est problématique. Même chose pour l'entraînement physique. Quelqu'un qui soulève des poids et haltères à tous les jours, qui amène des micro-déchirures, des filaments musculaires, mais entre deux sessions d'entraînement, si la personne laisse pas autant aux muscles de se régénérer, ben qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle a des muscles déchirés, puis elle veut soulever d'autres poids et haltères. Donc, le muscle n'est pas en état de donner une bonne performance pour soulever le poids et haltères, puis c'est tout à fait normal. Et c'est le même principe au niveau psychique, dans le sens que si quelqu'un fait continuellement des activités d'apprentissage sur le plan intellectuel et donne pas du temps de repos pour, par exemple, être présent à sa fille ou faire de la méditation en étant en contact avec la nature, juste de la méditation en présence, qu'on appelle, c'est-à-dire être attentif, comme par exemple marcher sur la rue et être attentif au son des oiseaux qu'il peut avoir, ou être assis au sol avec les mains ou les pieds en contact avec de l'herbe et être présent à la terre. Ça permet de ressourcer aussi puis d'enraciner, comme les pieds dans l'eau froide. Mais bref, c'est ce genre d'activités qui peuvent être faites entre deux activités intellectuelles qui donnent un état de ressourcement et qui évite de connaître un stress chronique au niveau intellectuel. Et c'est bien de se ressourcer. Même chose que entre deux activités physiques pour éviter un stress chronique qui est infligé par l'individu qui surutilise, par exemple, une articulation physique. Et là, à ce moment-là, la personne se ramasse avec des douleurs. Donc, ça, c'est ce qu'il m'a proposé. Mais à part cet ajustement-là, récemment, le reste, c'est pas mal ajusté dans ma vie. Puis, c'est quoi que je voulais dire en lien avec ça? Ah oui, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'histoire de la bénédiction, c'est-à-dire que l'intention de conscience qu'on a peut avoir une incidence sur notre corps à un certain niveau. Donc, si on se conçoit comme étant en santé, puis on agit pour se maintenir en santé, très important pour qu'il y ait une cohérence entre l'esprit et le corps, ben là, à ce moment-là, ça peut favoriser notre santé. Lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il a fait une lecture vibratoire par rapport à moi, puis il dit, regarde, tu vieillis l'équivalent de 8 mois sur 12. Tu vieillis plus lentement qu'une personne normale. Et parce qu'il rencontre différentes personnes puis il les évalue. Comme là, il disait, ben, dans la même journée qu'il avait rencontré une fille, puis elle vieillissait l'équivalent de 15 mois en 12 mois, elle s'use prématurément. Il y a des gens qui vont s'user prématurément. Pourquoi? Ben, parce qu'ils mangent mal. Ensuite, ils vivent trop de stress, ils ont de la difficulté à gérer le stress. Tandis que, avec les changements que j'ai apportés au fil des ans, ben, il dit, tu es en train de favoriser ta longévité. Et c'est sûr, je suis content qu'ils me disent ça. C'est sûr que des gens vont dire, ben là, c'est de la complaisance en lien avec ta personne pour que tu continues à le consulter, puis il va te dire ce que tu veux entendre. C'est sûr, c'est certes que cette dimension-là, je prends toujours, comment dire, en considération. C'est comme quand je rencontre des gens, puis ils me disent, ah, t'as donc bien de belles filles. Mais oui, mais c'est parce que si, comment dire, il en était autrement. Habituellement, quand que, si le bébé il est pas beau, les gens se taisent ou ils disent pas là. Donc, mais en lien avec ce qu'il dit, ben c'est sûr que je prends quand même ça en considération parce que je connais des gens qui ont mon âge, puis il y en a certains qui ont l'air plus vieux que moi. Ou ben si je prends par exemple mon père à même âge, ben j'ai des photos de lui. Il avait moins de cheveux sur la tête que moi. Moi, c'est sûr que je commence à caler des côtés, mais c'est moins pire que lui, là. Donc, bref, il y a des observations qui peuvent se faire. Le but, c'est pas nécessairement d'aller dans les comparaisons, mais c'est de vivre par rapport à soi, puis de réaliser l'impact qu'a la pensée sur ses cellules. Et aussi l'impact que peut avoir la pensée par rapport à sa santé et l'intention de conscience soutenue dans le temps. Il y a des gens qui peuvent m'écouter puis ils vont me dire, ah, des niaiseries, la conscience, ça joue pas sur la matière comme tu le penses, c'est des croyances irrationnelles. Ben, libre à vous. Moi, ce que je peux dire dans mon cas, c'est que le fait de bénir ma vie en santé, et vivre d'une manière longue et prospère, comme dirait Spock, qui est un personnage de Star Trek, ça a un impact. Et je maintiens cet état-là de conscience. Donc, une volonté de favoriser la vitalité de mon corps physique, accompagnatrice de mon vécu. D'ailleurs, bénir, c'est pas très compliqué, c'est utiliser la parole pour coder l'énergie. Donc, par exemple, je peux dire, je bénis la santé de mon corps et sa longévité. Très important de bénir la longévité, plus précisément en santé, parce que quelqu'un pourrait bénir de vivre longtemps, mais si la personne se ramasse en résidence de personnes âgées, n'étant pas autonome, ça peut être pas agréable. Tu sais, la personne qui vit plusieurs centaines d'années, mais la personne n'est pas capable d'aller déféquer par elle-même aux toilettes, puis est à la merci de préposer aux bénéficiaires que si on le temps, ils vont venir l'accompagner pour aller aux toilettes ou lui dire, ben, on n'a pas le temps, ben, fais caca dans tes culottes, là, si tu peux pas te retenir. Disons que c'est moins agréable d'être à la merci du personnel hospitalier. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, la conclusion que j'en viens, ben, si j'ai à bénir, ben, bénir la longévité en santé, très important pour moi. Parce que si je vis longtemps, je vais être en santé. Je ne veux pas être semi-autonome ou non autonome. Donc, la bénédiction, c'est de nourrir une intention de conscience. Pourquoi? Ben, parce que dans notre environnement, on peut chercher à nous induire des idées qui vont à l'encontre de ça. Et le seul individu qui est le mieux placé pour travailler pour lui-même, ben, c'est lui-même. Si la personne attend le salut à travers les autres, que ce soit Donald Trump, que ce soit, tu sais, il peut avoir des lanceurs d'alerte, va dire, ah, Donald Trump va arranger les choses. Ensuite, il y a d'autres personnes dans le domaine de l'ésotérisme, va dire, ah, la venue des extraterrestres vont rajuster la situation mondiale. D'autres personnes dans le domaine de la religion, ça va être le retour du Christ. Et il y a toujours comme quelqu'un à l'extérieur de soi pour nous sauver ou quelque chose. Tandis que moi, je n'attends rien de l'environnement. Je me donne tout ce que j'ai de besoin. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle, entre autres, je vais bénir comme activité de ma conscience. Et on peut bénir à différents niveaux, là, naturellement. Là, on peut bénir le fait de se recharger d'énergie. Moi, j'ai béni ma fille. Et ma fille, présentement, ça fait 5 mois, là, je suis très heureux. Elle est en santé. Donc, avant même la conception de ma fille, j'avais béni pour que ça peut paraître ridicule ou même grossier, mais écoutez, moi je vise une action à différents niveaux. Une action au niveau de l'engagement concret, pratique. Bon, les gens si je dis à une personne que je fais du sport pour favoriser ma santé, les gens habituellement vont pas contester ça. Mais c'est plus au niveau occulte, naturellement, si je parle de ça, que les gens peuvent contester. Mais l'important, c'est la combinaison de différents moyens qui donne un résultat. Donc, avant que ma fille naisse, je bénis pour qu'on ait un enfant, ma compagne et moi, qu'elle va être heureuse, elle va être intelligente, elle va vivre dans le bonheur, avoir la santé, la joie de vivre, tout ça. Et ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est que Dans le fond, ma fille va très bien. Elle est éveillée. Je voulais qu'elle soit éveillée aussi. Je trouve qu'elle a un bon taux vibratoire. Et c'est sûr d'être en contact avec son taux d'énergie me permet de me ressourcer, fait que ça me favorise. Mais avant de concevoir ma fille, au moment où j'avais des relations sexuelles dans cette optique-là avec ma compagne, même à ce moment-là, il y avait une intention de conscience accompagnatrice que, dans le fond, notre intention, c'était d'avoir un enfant qui allait être heureux, qui allait être bien dans sa peau. Donc ça, c'est l'intention au niveau des parents dans l'optique de coder l'énergie, puis favoriser, étant donné que, à quelque part, nous sommes tous interreliés et que la conscience est constitutrice, donc nous donner à vivre un enfant qui allait être à la hauteur de la vibration émettrice par rapport à son intention de conception, de manière à favoriser à ce que notre enfant soit épanoui dans sa vie. Donc, c'est ma volonté sincère et c'est sûr que présentement, ma fille a presque 5 mois, ben je veux qu'elle soit heureuse aussi, puis je nourris ça. Et puis, par rapport au médium que j'ai rencontré en consultation, ben, je vais montrer une photo de ma fille, puis elle dit, ah, eh bien, ben, c'est sûr que là, il peut avoir un volet de complaisance, là, mais tu sais, il va dire, ben, elle a l'air réveillée, puis elle a l'air heureuse, puis je dis oui. Là, elle sourit de plus en plus, puis ça va bien, en fait, depuis qu'elle a 2 mois et demi, elle fait toutes ses nuits, là. Donc, puis elle n'a pas été malade. Parce que c'est sûr que l'une des craintes que j'avais, c'est entre 0 puis 3 mois à peu près, parce qu'un enfant qui est malade, c'est sûr qu'un enfant qui est faiblement développé, c'est très compliqué, là, au niveau de l'hospitalisation et tout. Donc, j'ai pas été confronté à ça. Donc, je suis très heureux. Et avec le temps, ben, c'est quoi les constats que je fais? Ben, c'est que la personne n'a rien à attendre de la société et qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on a pu donner de la valeur dans le passé. Quand j'étais jeune, j'étais adolescent, j'aimais aller voir des films au cinéma, ça me parle plus. Même chose pour aller voir des spectacles de musique. Et puis en même temps, ben, c'est sûr que je suis content parce que c'est quand même économique comme mode de vie, dans le sens que moi, je vais juste aller à côté de l'endroit que je vis. Je me fais prendre des bains de soleil. Je vais me traper les pieds dans l'eau froide, puis prendre ma fille dans mes bras, puis je suis comblé. Et je vise à rester comblé. Écoutez, je vous dis salut et à bientôt. Au revoir.